Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là pour vous à chaque semaine, à vous offrir comme ça l'excellence de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays, hein, parce qu'on peut pas dire d'une petite mer à l'autre, parce qu'il y a une mer au nord aussi, donc d'un bout à l'autre, de l'est vers l'ouest. Ça me fait plaisir de faire entendre l'excellente musique. J'ai entre autres pour vous cette semaine Sirène et Matelot. J'ai du Chloé Bro, l'album de la semaine, l'album de Marc Apollaggio. Il y a aussi Mélissa Ouimet qui est là, Marie-Claude. J'ai Vichtin, Grand Dérangement, Jeremy and the Delicious Sound. Il y a aussi Soir de semaine. Bref, l'excellente musique francophone pour vous. Un, deux heures de musique francophone. Restez là, je vous reviens avec le bloc des Maritimes dans quelques secondes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, d'être sur les ondes de votre radio francophone préférée au pays et de vous faire entendre l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, il y a CKJM Chiticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envoi le 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Écoutez, on va y aller tout de suite en nouveau. Ben, pas en nouveauté. Oui, il va y avoir une nouveauté, mais juste avant, il y a bien sûr une chanson souvenir. Et la chanson souvenir de cette semaine pour l'Acadie, c'est Chico Haricot, on se souvient ça, de l'album La Fève des Fèves de Fayot, son premier album qui était excellent en passant. Donc on va entendre cette pièce-là, Chico Haricot. Après quoi, c'est une nouveauté de Sirène et Matelot, En Way, chanson écrite par Patricia Richard et M. Lenny Galland. C'est eux qui forment le duo. Sirène et Matelot, très bon produit, je vous jure. Allez faire un tour sur Distribution Plage, voir si c'est là. Si oui, mettez la main là-dessus, c'est vraiment bon. Je vous en parle un peu plus longuement à un autre moment donné. Mais pour l'instant, voici Fayot, Chico Haricot. Habitait sa cabane dans le sud-sud-ouest, la Louisiane. Apporte des sabots de bois, puis en mange des pacanes. Elle a des colliers au cou, les doigts non plus de bijoux, des lunettes aux yeux, puis des tout petits genoux. Chico Haricot, Chico Haricot. Chico Haricot vient nous voir souvent, à la rive d'habitude à chaque printemps. Chico Haricot, Chico Haricot. À la peur des marins, à la peur des cocodrilles. Oh ben Chico Haricot, ben c'est une coco-fille, oui. Chico Haricot, Chico Haricot. Sa cabane dans le sud-sud-ouest, la Louisiane. des sabots de bois, puis elle mange des pancailles. Elle a des colliers au cou, les doigts remplis de bijoux, des lunettes aux yeux, puis des tout petits genoux. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, venu avec un mot why. Mon mot l'aime, Chico Harico. Chico Harico, venu avec un mot why. Mon mot l'aime, Chico Harico. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico. À la rive d'habitude à chaque printemps. Chico Harico, Chico Harico. À la peur des marais, à la peur des cocodrilles. Oh ben Chico Harico, ben c'est une cool cool fille, oui. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, venu avec un mot why. Moi mon aime Chico Harico. Chico Harico, venu avec un mot why. Moi mon aime Chico Harico. Chico Harico, venu avec un mot why. Moi mon aime Chico Harico. Chico Harico, venu avec un mot why. Moi mon aime Chico Harico. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico. Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico, Chico Harico. Des années passées, tout le défi, toute la misère sont pas ma réalité. Encore comme si le feu est pris dans la cabane à côté. Sans un regard, sans un salut, tout est automatisé. Si j'avais pu leur demander toutes les réponses, traverserait les années. Comme si l'amour t'appelle, comme un éclat d'une étincelle, dans jusqu'au point de tomber sur tes genoux à remercier pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tricotées d'une seule ficelle, filet de tristesse et de joie du monde. Oh ouais, oh ouais. On cherche une guérison magique dans un monde de bonheur. On bouge bien moins, mais dans nos têtes ça bouge à 100 000 à l'heure. Et finalement, on se trouve dans une tombe sur un cellulaire. Si j'avais pu leur demander toutes les réponses, traverseraient les années. Si l'amour t'appelle comme un éclat d'une étincelle, dans jusqu'au point de tomber sur tes genoux à remercier pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tricoter d'une seule ficelle, filet de tristesse et des choix du monde. Oh ouais, oh ouais. L'amour t'appelle comme un éclat d'une étincelle dans encore près de tomber sur tes genoux à ramasser pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tricotées d'une seule ficelle, filet de tristesse et de joie du monde. Ah ouais, ah ouais. Toujours très intéressant ce que fait Lenny Gallant en français, lui qui a une bonne carrière en anglais et en français. Il a sorti à l'automne un album en anglais, je ne me trompe pas, ou à l'hiver, et maintenant c'est son album en français, mais il n'est pas tout seul, il est avec une autre artiste de l'île du Prince-Édouard, Patricia Richard, qui ensemble forment, ensemble ils sont la formation Sirène et Matelot. Et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est En Way, très intéressant. Allez mettre la main là-dessus, allez sur Distribution Plage, www.plage.net. Si c'est là, mettez la main là-dessus, c'est vraiment bien fait, donc j'aime bien ça. On va poursuivre, si vous voulez bien. Premièrement, en vous invitant sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK, où il y a toujours beaucoup d'informations que je partage, des informations, des clips, etc. Et il y a un petit clip assez intéressant. Arrête ton char, c'est produit en France parce que Chloé Brault était en France et ces temps-ci. Et on a un bel entretien avec Chloé Brault. Elle est très charmante avec ses lunettes bleues, sa camisole jaune. Et ce qu'elle raconte, c'est vraiment, là, tu vois que c'est une artiste vraie, terre à terre, qui se prend pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment intéressant. On va entendre la pièce « Love » dans quelques instants. Par la suite, on va entendre tout simplement dans le Nord de Émilie Landry, une autre artiste, jeune artiste, auteur, compositrice, interprète que j'adore énormément, qui vient de l'Acadie également. Donc, on va entendre dans le Nord. Et on va terminer ce bloc-là avec le Chant d'Hélium de Sean Ferguson et une artiste de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, pardon. Son nom, c'est tout simplement Lucie Bella Freitas. Ensemble, ils reprennent le Chant d'Hélium. C'est vraiment bien fait. C'est une belle version. Écoutez ça, ça va être magnifique. Mais pour l'instant, voici l'auteur, compositrice, interprète acadienne qui était en France ces temps-ci. Voici Chloé Brault et Love. Faudrait que j'aille prendre de l'air, mais plus rien me tente depuis notre dernière passe. Cogne donc à ma porte, trouvons les mots qui arrangeront le tout, mais c'est pas facile à voir tort, puis se dire les vraies choses sans crier. Love, aime-moi comme avant.

souffle le vent de ton air, tu me libères. Brûle, père, brûle mon corps. De ton feu, je me sens fort. Terre, mer, protège-moi. Je suis la preuve de votre foi. Comme je le dis souvent, du bonbon pour les oreilles, M. Sean Ferguson et Lucy Bella Freitas du Cap-Vert. Je ne connais pas cet artiste-là, mais je trouve qu'elle a une très belle voix. Et la chanson « Chandelium », vraiment belle version. Une chanson qui, à l'époque, je ne me trompe pas, avait été popularisée par Marie-Jo Thériault, si je me souviens bien. Mais Sean Ferguson l'a repris, lui qui était en Europe et puis au nord de l'Afrique, je ne me trompe pas, pour faire quelques spectacles. J'adore Sean Ferguson, c'est un artiste virtuose, très très bien apprécié. Il est venu ici en Ontario me voir, hein. D'habitude c'est moi qui allais au Nouveau-Brunswick aller voir les artistes. Eh bien, voilà qu'il est venu faire un tour ici à Penetangouchene à l'automne dernier. Et avait été fort apprécié par le public, virtuose, génial, un gars très sympathique, Sean Ferguson. Et on vient de l'entendre avec Lucy Bella Freitas du Cap-Vert. Parlant de nouveaux produits, il y a Psy qui nous propose un nouvel album qui vient d'être lancé. Je n'ai pas reçu encore ma copie officielle, mais j'ai bien hâte d'entendre ça. On a le premier extrait. Ça semble un peu différent comme produit, mais pas tant que ça. Psy, qui est une formation d'artistes qui sont connus, je ne me trompe pas, à l'Université de Moncton, mais ils viennent pas mal tous de la Baie-Sainte-Marie. Donc, vraiment intéressant. On nous propose Parc à Bleuet. Voici Psy. Chant rendu loin de la quête, avec les oiseaux à nous, à tes papillons, à nous saluer. Marche tout proche à mes côtés, proche à ces beaux, toi t'arrêter, mais je suis pas pareil. M'en va chercher des petits bleus, ben m'en va me mettre à quatre pattes dans le parc. Ça prend une bonne élan pour tout trouver, pour remplir chaque de nos paniers, pour montrer ça à l'assemblée. Indios, y'a pris à aimer, cookie, cool, ma samia, j'entends la beauté, même jour de chaque plat. Je l'écoute comme une vision, je l'écoute comme un homme. Done. avec mon homme à l'assemblée. Tout le matin d'y raconter, entend des mots pire et danser. Il me dit que c'est là qu'il a trouvé la clé du paradis. Il me dit qu'une voix de sa femme